E a quella la più bella la che sia ripeto a santo. O se ci spiace sempre a portare la guerra. La guerra, ma non sia la schiena la guerra, o te che te la lance, o qua, che te scendo tre. La guerra, sauf l'onore della letteratura, e la guerra, l'orlevo, il privilegio, come qua, io da la place. La questione è savoir, dont l'Emmanuel semble faire est tal qu'il existe par Emmanuel littérature, soit que la littérature soit qu'accommodation des. Est-ce affaire de colocation dans l'écrit, ce qui d'abord évidemment serait chant, dit parler, procession dramatique. Pour la psychanalyse, qu'elle soit attendue à l'édit, ne la qualifie en rien pour s'y retrouver dans le texte de son forme. C'est pas pareil. L'évocation par preuve d'un texte de Dostoïevski ne suffit pas pour dire que la critique de texte chasse gardée du discours universitaire, perçu de la psychanalyse vulgaire. Si pourtant mon enseignement a place dans un changement de configuration qui, actuellement, les douleurs d'actualité, actuellement s'affiche d'un slogan de promotion de l'écrit. D'autres témoignages. Par exemple, que ce soit de nos jours, qu'enfin Rabelais soit lu. D'autres reposent peut-être sur un déplacement. Et vrai, toi, accord de Dieu, je suis comme auteur, moins impliqué qu'on imagine, les écrits à titre ironique qu'on ne croit. Cette philosophe soit le rapport, son fonction de congrès, soit disons, devrait bien, en étant comme ça, des lettres ouvertes. C'est sans doute question chaque fois d'un temps de mon enseignement. Mais enfin, ça en donne le son. Loin en tout cas de me connaître. Ce frottis-frottal littéraire qu'on se dénote le psychanalyste en mal d'invention qui dénonce la tentative immanquable à démontrer l'inégalité de sa pratique motivée de moindre jugement égal. Le docteur a que le cercueil m'est écrit d'un article que j'isole en l'extrayant de sa chronologie humaine. Et que là, il s'agisse d'un conte lui-même, ou dire bien particulier de pouvoir rentrer dans la liste ordonnée, vous savez qu'on l'a faite des situations dramatiques. Vous connaissez ça, lui, le conte. Il se fait de ce qu'il a bien, de la poste d'une lettre ici, au-dessus de qui se passent ces versus. Et de quel terme s'appuie, que je puisse voir dire ces lettres, dire, entre elles, une lettre toujours en vient à sa destination. Et ceci, après les tours qu'il y a subi dans le monde, le compte, si je puis dire, soit rendu sans aucun tour à son contenu. Nous gardons qu'il puisse être du pouvoir que nous avons fait. Il prétend que ce périphère qui puisse articuler ce que je fais, moi, l'effet de féminisation. C'est là l'excuse bienvenue, bien distinguée, je parle de ce que je fais. Allez, s'il y en est, quand ici, elle l'emporte dans son enveloppe, puisqu'il s'agit d'une lettre au sens du mot épistole. Or, je prétends que je ne fais pas là du mot lettre usage métaphorique, puisque justement le conte consiste en ce qui passe comme plus tard, le message, c'est écrit, donc proprement la lettre, qui fait seul péripétie. La critique, si elle a lieu d'être tenue pour littéraire, j'aurais l'ardeur de porter. J'essaie que sur ce que vous faites, l'être écrivain lui-même formait un tel message sur la lettre. Il est clair qu'à ne pas le dire tel quel, tel que je le dis moi, ce n'est pas insuffisamment, c'est d'autant plus rigoureusement qu'il l'avoue. Néanmoins, l'émission, et ça, n'en saurait-elle qu'élucider au moyen de quelque trait que ce soit de sa psychobiographie. Boucher, plutôt, lancerait cette émission. Psychanalyste qui souvient peut-être à récurer les autres textes de Beau ici, déclare forfait sa serpillière. Elle y touche pas. Ah. Voilà pour le texte de Beau. Et pour le mien de texte, est-ce qu'il ne pourrait pas se résoudre par ma psychobiographie à moi? Je veux que je formerais, par exemple, être lu un jour convenable. Mais pour ça, pour que ça parle, il faudrait d'abord qu'on développe qui emploierait à cette interprétation développe ce que j'entends que la lettre porte pour arriver toujours, je le dis, à sa destination. C'est là que ben, je suis pour l'instant en chine avec les défauts d'écriture. Et certain que, comme d'ordinaire, la psychanalyse ici reçoit de la littérature. Je pourrais d'abord en prendre cette graine qui serait du ressort du refoulement une idée moins psychobiographique. Pour moi, si je propose texte de mots, avec ce qu'il y a derrière la psychanalyse, c'est justement pour ce qu'elle puisse l'apporter qu'elle montrait son échec. C'est par là que l'éclaire dans la psychanalyse. Donc, je sais que j'invoque ainsi autour de mon volume. J'invoque ainsi les lumières, pourtant, l'éclair, de démontrer où elle fait trou. Ça n'a rien d'illégitime. Ça a déjà porté son fruit, on le sait depuis longtemps, en optique, la plus récente physique du photon s'en a. Pour dans cette méthode de la psychanalyse pourrait mieux justifier son intrusion dans la critique littéraire. Je voudrais dire que la critique littéraire viendrait effectivement à se renouveler de ce que la psychanalyse voilà, que les textes du réel, justement de ce que l'énigme reste de son côté, qu'elle soit quoi. Et ce les psychanalystes qu'on se n'est pas dit, que d'avancer que du coup qu'ils exercent la psychanalyse, s'ils s'en sont exercés, on donne mal des propos, ou le moins des prix encore. J'oppose à leur adresse vérité et savoir. La première. Aussitôt, ils reconnaissent leur office. Alors, sur la scène, c'est leur vérité que j'adresse. J'insiste à corriger mon dit, de dire, savoir l'échec, voilà. La psychanalyse, savoir l'échec, comme on dit, figure en habit, ça ne veut pas dire échec du savoir. Aussitôt, j'apprends qu'on s'en croit dispensé de faire preuve d'aucun savoir. On va se mettre bord que j'ai dit au titre d'un de ces morceaux, j'ai dit écrit de la lettre l'instant, présent de l'inconscient. Pas désigner assez dans la lettre, c'est qui, à devoir insister, le balade de plein droit, si fort de raison que ça s'aborde, sur cette raison moyenne ou extrême, bien montré, je l'ai fait déjà à l'occasion, la bifidité où s'engage toute mesure. Mais n'y a-t-il rien dans le réel, ce vaste de cette éniasse. Bref, la frontière à séparer deux territoires n'a qu'un défaut. Mais il est tard. Elle symbolise une question de même tabac. En tout cas, pour quiconque l'approche, pourquoi que vous vous êtes arrêté, mais c'est le principe, quand un jour, je vais production, fabriquer le terme d'univers. C'était sur le principe qui est le reflet de l'univers. La promotion de la frontière, c'est l'idéologie. Évidemment, un départ vache biologique, car c'était une biologie qui voulait avec ça affronter l'exclure. Une biologie qui se donne déjà tout au départ. Le fait d'adaptation. Maintenant, quel fou ce couplage, une bête et une bête. Évidemment, sélection, ça ne vaut pas mieux. C'est pas parce qu'elle se réunit elle-même d'être naturelle qu'elle l'est moins. Mais vous proposez quelque chose comme ça, tout brutalement. Qui fait une lettre à une lettre? Moi je vais vous dire. La lettre, à fonder dans le piton. Car ça, c'est autre chose. Ok. Le littoral, c'est ce qui pose un domaine tout entier. Si vous voulez, frontière. Et justement, ceci, ils n'ont absolument rien en commun, même pas une relation réciproque. Elle est le bord du trou dans en quelque sorte, de son mouvement d'être, de connaître le sens de ce que pourtant la lettre dit à la lettre. C'est à le dire, ça. Quand toutes ces interprétations se résument à la jouissance entre la jouissance et le savoir, la lettre ferait le littoral. Tout ça n'empêche pas ce que j'ai dit de l'inconscience, et quand même la précédence. Que je dis être est fait de langage, ce qui en suppose la structure comme nécessaire et suffisante. On va dire comment cette fonction de la lettre, qu'elle soit instrument propre, l'inscription du discours ne la rend pas du tout impropre, servir à ce que j'en compte. Dans l'instance de la lettre, par exemple, je t'ai parlé tout à l'heure, l'on doit montrer le jeu, ce que l'œuvre appelle, par Dieu, ou le mot pris pour un autre, par le mot pris par un autre, autrement dit la métaphore et la métonymie, l'effet d'un pas. Symbolise donc. Et ces noms, ces effets si signifiants, mais ça n'impose nullement qu'elle soit, elle, la lettre dans ses effets, mais qu'elle ne serve d'instrument, qu'elle soit primaire. L'examen s'impose, moins de cette primarité, qui n'est même pas supposée, mais de ce qui, du regard, appelle littoral ou littéral. Rien de ce que je inscris à l'aide de lettres, des formations de l'intention, pour les récupérer, de ce qu'on prend des formules, c'est lancé. Plus simplement, l'effet de langage, rien ne permet de confondre, comme il s'est fait, la lettre avec le signe. J'ai inscrit à l'aide de lettres, formation, n'autorise pas à faire de la lettre insignifiante et à l'affecter, qui plus est, d'une primarité au cas des signifiants. Un tel discours confusionnel n'a pu surgir que de celui du discours qui m'importe. Et justement, il m'importe dans un autre discours. J'ai peint temps venu du discours universitaire. Soit, je l'ai souligné assez depuis un an et demi, je pense, soit du savoir mis en usage à partir du sentiment. Le moindre sentiment de l'expérience à quoi je parle ne peut se situer que d'un autre discours que celui-là. Du garder, produit, discours, je ne désigne pas plus sans l'avouer, je vois, la barrière, Dieu merci, n'empêche qu'à m'importer, au sens que j'ai dit tout à l'heure, on m'importe. J'avais trouvé recevable les modèles que Freud articule dans une esquisse d'écrire le frayage, le forage de route imprécis. Je n'en aurais pas pour autant pris la métaphore de l'écriture. Justement, sur ce point d'esquisse, je la trouve recevable. L'écriture n'est pas l'impression. N'en déplaise, c'est fait comme blabla sur le fameux Wunderblanc. Que je tire parti de la lettre appelée 52e, c'est ici que Freud pouvait énoncer le terme qui porte du WZ, Wahrnehmung, Zeit. Et regarde, que c'est ce qu'il pouvait trouver plus proche du signifiant à la date où Saussure ne l'avait pas encore remis au jour. Le preuve de mes de lettres, moi d'ailleurs, je ne l'écris qu'une, hein, ça ne prouve en rien que la lettre soit primaire. Je vais donc essayer, d'indiquer ce qui paraît produire la lettre comme conséquence et du langage, précisément de ce que je dis. L'habit qui parle, emprunterait les traits, parce que d'une économie de langage permet de dessiner le propre harmonité de littérature de l'être contraint, à la littérature. Et pas vous étonner de voir procéder d'une démonstration littéraire, puisque c'est là. Marché. Pas. Enfin, la question elle-même s'avance. Hein. Pouvoir s'affirmer que peut-être une telle démonstration qui s'appelle littéraire. Si tu tournes un peu au bord, pourquoi pas cette fois-ci violence. J'en viens d'un voyage. J'attendais vers la fonte. Et voyage, c'est pour les distants. De ce que j'ai dit tout à l'heure de Wundtel, j'ai réfugié justement de ça, de rendre le voyage impossible. Si vous suivez mes formules, c'est assurer son père. Bon voilà, c'est prématuré. C'est le départ de sa robe. On va chanter par contact. Ça se fait d'ailleurs pour vous. Je ne noterai qu'un mot de ce voyage. Celui qui se trouve que j'ai recueilli de moi une route, une peine. Vous trouvez que j'ai pris simplement ceci. La première fois que je suis allé, elle était simplement interdite. Donc j'avoue, je ne pas à l'aller de l'eau du cercle arctique grâce à cette route pour la flotte. Lecture de quoi? De ce que je voyais de la plaine sidérienne. En train de vous faire un essai de sidérienne. Cet essai n'aurait pas vu le jour. La défiance soviétique avait laissé voir les industries, les installations militaires, y compris de la Sibérie. Enfin, cette défiance, c'est là une condition qu'on appelle accidentelle. Pas même pas occidentelle, hein. On y met l'oxyre un peu. Anciennement du sud-sibérien, ça ne peut pas venir. La seule condition décisive, c'est une condition littorale. Justement, pour moi, je suis un petit peu dur que la feuille, elle n'a joué pour tout d'être littéralement ce que le Japon le savait. Mais sans doute fait ce petit peu trop de chatouillement est juste ce qu'il faut pour que je le ressente. Si je le ressens, parce que bien sûr, on le repérer, le prévoir, mais déjà fait ça ici. Je voulais parler un petit peu de la langue japonaise. Cette langue, autrement, la fête. C'est l'écrit. J'ai déjà dit ça. Il a fallu, sans doute, pour ça, pour ce petit peu trop, avec ce qu'on appelle l'art, présente quelque chose. Ça tient dans le fait que la peinture japonaise dénonce de son mariage à la lettre, très précisément sous la forme de la calligraphie. Comme facile, ces choses qui pendent, kakemono, ça jaspe, ces choses qui pendent au mur de tout musée, là, portant ainsi, les cadres chinois de formation qui servent très peu, et qui, si peu je les sache, me permettent de mesurer ce qui s'en est dans la cursive. Le singulier de la main écrase l'universel, soit proprement ce que je vous apprends, le valoir que tu signes pour avec eux, ça le reste toujours bien. C'est toujours vrai s'il n'y a pas de trait. Donc, dans la consigne, le caractère, je ne l'y retrouve pas, parce que je suis novice, mais c'est pas l'important. Ce que j'appelle ce singulier peut appuyer une forme du verbe. L'important, ce qu'il y ajoute, c'est une dimension. Encore, vous vous avez appris à jouer de ça, une dimension. La demeure, je vous ai déjà introduit, je crois, dans quelques avant ou avant-dernier séminaire, un mot suffit pour m'amuser. Pas plus là. C'est la dimension, comme vous savez, me permet de conduire tout ça, le petit jeu des mathématiques, de piano, etc. Et j'appelle ça dans des mots très disciplines. Pour régler la série des nombres naturels, entre guillemets, analogiques. Donc, quand j'instaure le sujet, dans ce que je t'ai appelé aujourd'hui encore, parce que je t'ai de la littérature et que je t'ai, vous allez le reconnaître, je ne les écris pas, celle-ci, le 1 en plus. Ça sert beaucoup, hein? Ça se fait à la place de ce que j'appelle la chose. Très bien. c'est l'évasement du trait. Ça désigne le sujet. Partons en deux temps. Ce qui distingue ce qui est radu, qui dura fait. Radure d'aucune trace qui soit d'abord, c'est ce qui fait être du littoral. Qui dura vu. La produit, raduit, c'est reproduit, c'est pour toi. Il n'en a pas été. C'est une moitié dont le sujet subsiste. Là, bien pourtant, il devait l'avoir. Il va se souvenir jusqu'à jour. Je fais récit des aventures d'une moitié. Produire la radure définitive, c'est ça l'exploit de la calligraphie. Vous pouvez toujours essayer. Essayez de faire simple. Ce que je ne vais pas faire, parce que je la rattrape. Bon, je vais pas faire. Essayez de faire cette barre horizontale qui se passe de gauche à droite pour durer. L'un trait, l'un lunaire, on calme, franchement. Je fais très longtemps à trouver quel acte, ça s'attaque, quel suspens, ça s'arrête. Puisque vous faites ça lamentable, c'est sans espoir un occidenté. Il faut un train. S'attrape, se détache. De quoi que ce soit qui vous règne, entre centre et absence, entre savoir et jouissance, il y a un différence. Le pire ou le littéral, parce que ce miracle, vous puissiez prendre le même à tout instant. C'est ça seulement. Devenir agent qu'il soutienne. Ce qui se révèle de ma vision de ruissellement à ce qui domine la radure, c'est qu'à se produire d'entre les deux actes, se conjugue à cette source. C'est bien au lieu qu'Aristophane de Rennes, de trouver ce qu'il en est, soit semblant par excellence. Si c'est de sa rupture, le père, c'est sa présence, ce qui était matière en suspension. Il faut vous dire que la peinture japonaise, qu'elle s'en promène si bien calligraphiée, et que là, le nuage n'y manque pas. Là où j'étais à 7 heures, vraiment bien grand. Quelle fonction avaient ces nuages d'or, littéralement bouche, cache toute une partie des scènes, dans des lieux qui sont des choses qui se déroulent dans notre sens, c'est là où les appels paréfolement. Réside à la répartition des petites scènes. Pourquoi? Depuis plus les gens qui se sont dessinés, le côté le besoin. Les entremêlés, ces amas-là, c'est précisément, c'est ça, c'est la conduite dans ce signe, un être qui fait partie, ce distingue, cette rupture dont tu sembles, qui dissout tous ces forts phénomènes météores, c'est ça que j'ai déjà dit. La science s'opère au départ de façon la plus sensible. Mais du même coup, ça doit être aussi que ce soit en congédié ce qui, de cette rupture, aurait jouissance, c'est-à-dire d'anticiper ce qu'elle soutient, cette hypothèse pour m'exprimer ainsi la jouissance. Mais le monde, en somme, car l'idée du monde, c'est ça. ce qui dans le réel, c'est là. Dans le réel, se présente rapidement. C'est là. Peut-être dit dans le réel, le ravivement du signifié, soit ce qui a plus du semble. C'est ça qui fait le signe. L'écriture ne décalque pas le signifié. Elle n'y remonte qu'à prendre nom. Mais exactement de la même façon que ça arrive à toute chose que vient à dénommer la batterie signifiante après qu'elle les a énombrées. Elle a pas dit que. Ah, si. Son discours s'entend. Il va falloir, mais. C'est faire une opposition. L'écriture, la lettre, c'est dans le réel, signifiant dans le symbolique. Ça, c'est à faire pour vous et tout elle. On vient à un moment plus tard dans l'avion. Ah, mon Dieu, un peu. Voyage de retour. Alors là, c'est ça qui est frappant, c'est bien de voir apparaître. Il y a d'autres traces de ce voir. Ce soupir, on dit sans pas, on accepte, on s'entend d'un remblai. Enfin, en gros, ils sont là, ça les fait normal. C'est le grand vertus suprême du relief. Marque des bourdes. J'étais très clair. J'ai déjà vu à Osaka comment les autoroutes paraissent descendre du ciel. Il n'y a que de là qu'elles sont disposées comme ça, les unes au-dessus des autres. Il y a une certaine architecture japonaise. La plus moderne qui sait très bien trouver l'ancien. L'architecture japonaise, ça consiste essentiellement en m'a aidé à comprendre, de voir tout de suite le tout au chemin d'un point à un autre, mais je n'avais montré à personne s'il n'y avait pas le noir. Comment ça se fait, vous? Je n'avais personne au monde. Il n'y avait pas ni l'homme, ni la vie, ni la rouge, ni la orange, mais il y avait une dernière nouvelle dans ces crèmes lumières dans le cinéma. La paix solitaire de la cour de l'université. Le droit de la force inscrit tout de même quelque chose. Inscrit la distance, la distance. Son frère, toi, ce qu'il donne, ça n'est absolument rien qu'un facteur effectif, dynamique, si nous appellerons le cascade, qui fait tout ce qui soit celui du parler. Donc, il y a le droit de le décrire. L'avantage du ciel. Ce sont l'un et l'autre. En tant que tel, souvenir de droit. Ce sont artefacts. N'habitez que le langage. Mais quand même pas l'oublier. La science est opérante de l'âge plus seulement des lettres de graphique historique. Le prince dira celui d'une revue qui fut la mienne, qu'on ne pouvait qu'on enseigne un cours d'oreille à emprunter à Henri Saint-Poyeux sur le pont Mirano ou de la Seine. Oui. Une Seine telle, n'oubliez pas, à relire Freud, petit pape de Vélo romain. De l'heure sainte, dans le mot, aussi bien au nom juif que l'interprétation. Que le symptôme instit l'être grave tout repos pour ce qui vient de lui dire. Si la psychanalyse s'avérait plus avérée, rassurez-vous, donc peut-être pour mettre notre espoir ailleurs. Toute l'écriture, nous tirions un autre parti. Une tribune spectacle, que si j'ai d'autres paroles à nous en faire, mais nous en faire le tribut. Je l'ai dit, et je ne l'oublie jamais, il n'y a pas de métalangage. Logique, fauché, de prendre départ, langage. Immanquablement, elle le fait jusqu'à ce jour. Il n'y a donc pas de métalangage, mais l'écrit qui fabrique du langage peut-être être matériel de force à ce que s'y change nos propos. Quoi pas d'autre espoir que ce qui actuellement s'écrit. Est-il possible, en somme, du littoral, de constituer tel discours, se caractérise, j'en pose la question cette année, par s'émettre du sang-là? C'est évidemment la question qui se propose, la littérature qui la regarde. Qu'elle émette est un fait du littoral. Et donc ne se soutient pas du semble, et pour autant ne trouve rien. Montrer la casure, le seul discours peut produire, qui produit même avant, avec l'effet de la production, le schéma de l'époque. Ce à quoi semble prétendre une littérature en ce moment. De littérature. Elle s'ordonnait un mouvement qu'elle appelle scientifique, qui est fait dans la science d'écriture à fait merveille. Cette merveille n'est pas prête de se tarir. Voilà, la science physique se trouve, va se trouver, ramenée à la considération des symptômes dans les faits. Alors la police. Par la pollution de ce que du terrestre qu'on appelle scientifique. Environnement, c'est l'idée du style qui fait les véhaturistes, hein, c'est-à-dire complètement chrétinistes. Pour le littérature atterrir, moi-même je vais remarquer que mon effet dans le rapidement n'a aucune métaphore, l'écriture est ce rapidement. Ce que j'ai écrit là, il est compris. Je parle de puissance, mais à votre légitimement, j'accumule d'autres droits. Et pas moins, naturellement, ce dont je me prie m'occupe de votre influence. Qu'il y ait inclus dans la langue japonaise, c'est là que je prends un effet d'écriture, l'important, notre ressource, de faire exemple, l'important, c'est que l'effet d'écriture reste attaché à l'écriture. Le porteur de l'effet d'écriture, soit une écriture spécialisée en ceci qu'en japonais, cette écriture spécialisée puisse se lire de deux prononciations différentes. En homonymie, je ne suis pas là pour traduire le système audio, mais je le vois de japonais. Homonymie, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est sa prononciation en caractère. En caractère, ça se prend comme celle distinctement. En Yomi de la façon dont ça se dit en japonais ce que le caractère veut dire. Et naturellement, vous foutre dedans. C'est-à-dire, ce prétexte, le caractère des lettres, vous allez croire que je suis en train de dire que dans le japonais, les états du signifiant courent sur le fleuve du signifiant. C'est la lettre et non pas le signifiant. Ce qui ici fait appui de signifiant. Et comme n'importe quoi d'autre, à suivre la loi et la force, j'ai rappelé ces derniers temps qu'il fait l'essence du langage, c'est toujours la gueule de la roulette. Qu'il prend quoi que ce soit au filet du signifiant dont l'écriture est faite. Seulement, voilà, elle est promue de la fonction d'un référent aussi essentiel que toute chose. Et c'est ça qui change le statut du sujet. Et par là, s'appuie sur un ciel constellé, et non seulement sur le trait d'une aile, son identification fondamentale. Justement, la trompe. On a vu que la même chose que n'en pas avoir, c'est pour ça qu'on appuie ailleurs sur le tuc. En japonais, on voit toutes les formes grammaticales pour le moins énoncé. Le porte le corps. Il y a des manières plus ou moins polies de le dire, selon la façon dont je l'induis dans le tu. Là, si je suis japonais, si je ne suis pas japonais, je ne vais pas l'induire. Pourquoi est-ce que vous avez de la vie? Vous avez vu. Ouais, aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis? Variation. Vous aurez appris quelque chose. Vous aurez appris qu'en japonais, la vérité renforce la structure de fiction qui dénote, justement, y ajouter les lois de la politesse. Singulièrement, ça semble porter le résultat de ce qui vient. Rien à défendre du refus, ce que le refusé lui-même trouve à se loger de cette référence à la lettre. D'autres termes, le sujet est divisé partout dans le langage, mais un sergiste peut satisfaire la référence à l'écriture et l'autre de l'exercice. Sans doute ce qui a donné, mon cher ami Roland Bach, ce sentiment enivré que de toutes ces bonnes manières, le sujet japonais ne fait en bloc rien. Tu vois, est-ce que je vous présente, car c'est une belle sensation. L'Empire des signes. Dans les titres, on fait des termes souvent un usage humble. Là, on fait ça pour les équitables. Ce qui veut dire, évidemment, c'est l'envie des semblants. Si je puis dire le texte, ça n'intéresse pas. Dans le japonais, japonais du commun m'a donné la troupe horaire. Moi, je l'ai entendu la parole. Et en effet, quel excellent écrit Roland Bach sur vos fabriquer son artifice. D'après nos habitudes, rien ne communique moins de soi qu'un tel sujet qui, en fin de compte, ne cache rien. Dina, qu'as-tu manipulé? C'est pour moi un délice. Dans un cours, j'adore ça. C'est un élément trop cérémonial, le sujet se compose justement. Le pouvoir se décompose. Le Bounra trouve que l'usage à plein dans le monde, ils sont passés à Paris, Bounra trouve, j'ai fait le renouveau là-bas. Ça l'a déjà vu la première fois, eh bien. Eh bien, le Bounra trouve, c'est là son sort. Il fait voir la structure tout ordinaire. Pour ceux à qui vous l'avez donné, leur mœurs est même. Vous savez pourquoi, à côté de la règle, est père, les gens sont maîtres. Aussi bien que le Bounra trouve tout ce qui se dit. En personne, c'est bien connu. Il aussi bien être vu par un récit. C'est là ce qui a pu surgir là. Le jeune corps est l'endroit où il est le plus naturel de se souvenir qu'était. Tu n'as pas quitté un instant. Tu n'interprètes. Tu n'interprètes. On est tout à fait. On peut se doubler d'une interprète. Ça ne nécessite pas beaucoup d'interprète. Je connais ce qui est la traduction perpétuelle et du regard. Ce que j'aime, mais qui vient là-dessus, c'est que la seule communication qui est eue, hors les Européens, bien sûr, avec lesquels je sais m'entendre selon le malentendu culturel. Oui, c'est la seule que j'ai eue avec les Japonais, c'est aussi la seule qui m'a pas comme ailleurs, puis cette communication, pas qu'ailleurs, mais cette communication, ça fait du bien. Je vais voir un éminent biologiste, je ne l'aurai pas, c'est vrai que la politesse japonaise et de ce que je fais, ça l'a poussé à démontrer ses travaux, naturellement, là où ça se fait, au tableau noir, hein, le fait que faute l'information, y compris, n'empêche nullement ce qu'il a écrit sur Blanc-Buse d'être entièrement valable. Valable pour les molécules dont les descendants se font sujet, sans que j'ai jamais eu à savoir comment je leur transmettrais ce qui aurait été récemment pour les courages de classe quand vous êtes. À 16 de l'écriture, ça n'ose pas, ça n'ose pas. Je dirais, me semble être, pour quelque chose de cohérent en raison de ce que je pensais, me semble pouvoir vaste, car je vois cet écrit impossible.